heureuse maintenant. Je suis assise sur mon banc et je regarde les gens et je vois de temps en temps s'embrasser quelques amants. Mais la boulangère n'a rien sous son jupon. Elle se laisse faire par les mains des garçons. Sur